Chanson de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Chanson. Rossignol, ta chanson est belle. Veux-tu m'apprendre ta chanson? Pour que je la répète à celle qui m'a fait perdre la raison. Veux-tu me prêter ta voix tendre pour lui dire tout mon amour? En prenant plaisir à m'entendre, elle pourrait m'aimer un jour. Rose, que va pleurer l'abeille? Je sais qu'elle aime ton carmin. Veux-tu ce soir dans sa corbeille aller mourir pour que demain, de ta corolle un peu fanée, s'exhale un parfum du baiser que ma lèvre passionnée, pour elle, vient d'y déposer? Brise, tu dois aller vers elle et caresser ses blonds cheveux. Veux-tu sur le bout de ton aile prendre en passant mes plus chers vœux? Et si tu vois son âme émue et des pleurs mouiller ses beaux yeux, ô Brise, sois la bienvenue en me rapportant ses aveux. Fin de chanson. Lu par Ezoy, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.